Debout les morts, de Fred Vargas. Adaptation, Claire Leluerne. Troisième épisode. Marc, Mathias et Lucien, les trois historiens qui habitent la maison pourrie, n'ont rien trouvé en creusant sous l'arbre apparu dans le jardin de leur voisine, Sophia, la grande Siméonidis, cantatrice de son état. Mais l'arrivée de Van Dossler, l'oncle de Marc, leur donne du fil à retordre. L'homme est aussi intrusif que taiseux sur son passé. Flic à la retraite, il raconte tout et n'importe quoi, et la voisine d'en face, la belle Juliette, propriétaire du restaurant Le Tonneau, a bien du mal à démêler le vrai du faux. De l'autre côté de la rue, Pierre ne voit pas d'un bon œil la décision de Sophia de chanter Traviata pour son concert anniversaire. A-t-elle oublié ce qui est arrivé 20 ans plus tôt? Et lorsque Juliette vient trouver les garçons, convaincue que Sophia a disparu, l'inquiétude grandit. Voilà pourquoi j'ai besoin de votre aide, les garçons. Je sais que Sophia est stressée par le concert, mais elle ne louperait jamais une soupe à la betterave. Il y a quelque chose de pas normal, je le sens. Je veux pas te vexer, Juliette, mais rien n'oblige une grande fille de 50 ans à te tenir au courant de tout, même si c'est ta meilleure copine. Mais enfin, Lucien... Non, je sais, Marc, c'est Luc a raison. Mais croyez-moi, c'est très bizarre qu'elle ne m'ait pas prévenue. Bref, je suis allée voir Pierre. Et alors, qu'est-ce qu'il en pense, lui? Rien du tout. Il a l'air de s'en foutre complètement. Il m'a dit de pas m'en faire, que Sophie allait revenir, gna gna gna. Ouais, c'est comme pour l'arbre, quoi. Quoi, l'arbre? Le hêtre au fond de leur jardin. Il est apparu un jour comme ça, mystérieusement. Ça avait pas mal inquiété Sophia. Il y a de quoi en même temps? Mais Pierre s'en fichait royalement qu'un arbre sorte de nulle part dans son jardin. Sophia nous a demandé de creuser en dessous, mais on n'a rien trouvé. L'arbre? Mais pourquoi ça l'aurait inquiété? C'est Pierre qui l'a planté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, c'est ce qu'il m'a dit en tout cas. Qu'il l'avait planté pour cacher le mur. Ah bon? Bah, c'est pas du tout ce qu'il a dit à Sophia. Quel intérêt de planter un arbre la nuit sans le dire à sa femme? Faut être complètement jeté. Ou très pervers et vouloir la foller pour rien. Non. S'il ne lui a rien dit, il y a forcément une raison. S'il vous plaît, tonton, allez le voir. Il avait l'air tellement sûr de lui pour Sophia. Je suis certaine qu'il sait quelque chose et qu'il ne veut pas me le dire. Mais enfin, pourquoi? Je ne l'aime pas beaucoup, le voisin Ronchon. Mais si le propre mari de Sophia ne s'alarme pas, c'est qu'il a de bonnes raisons. Le pauvre n'est pas forcé de déballer sa vie privée sous prétexte que sa femme a manqué une soupe, quand même. C'est vrai, mais il y a quelque chose que Juliette ne nous dit pas. N'est-ce pas, Juliette? Il y a autre chose que la soupe qui te tracasse. C'est vrai. Alors, c'est peut-être le moment de lâcher toute la recette, Juliette, si tu veux que je cuisine le mari. Quand Sophia était toute jeune, elle est arrivée de Grèce avec un ami, Stelios. Un ami? Un petit ami. Séduisant, protecteur, mais peut-être un peu trop. Parfois, Sophia en parlait comme d'un fanatique qui la gardait pour lui et ne laissait personne s'approcher d'elle. Ah oui, du genre dominant de la tribu. Je ne pensais pas qu'ils avaient survécu au paléolithique. Sophia l'a quitté quand elle a rencontré Pierre. Ça a fait un drame épouvantable. Stelios a même essayé de se suicider en se jetant à la mer. Les Grecs ont le sens de la tragédie. Après beaucoup de menaces et beaucoup de gesticulations, Sophia n'a plus jamais eu de nouvelles. Bon, des histoires d'ex, tout le monde en a. Sophia a toujours pensé qu'un jour ou l'autre, il reviendrait. Et il y a quelques semaines, elle a reçu une carte postale avec un dessin d'étoiles. Elle était persuadée que c'était un message de Stelios. Apparemment, il en dessinait tout le temps des étoiles. Il paraît que c'est les Grecs qui ont inventé l'idée de faire gaffe aux étoiles ou je sais pas quoi. Alors, en réalité, l'astronomie, c'est une des sciences naturelles les plus anciennes et dès la préhistoire, on a des preuves qu'il... En tout cas, ça l'avait bouleversé. Un type qui voudrait se venger au bout de si longtemps, ça me paraît assez invraisemblable quand même. Mais bouleversé comment? Elle avait peur? Je pense pas que c'était de la peur. Je crois plutôt qu'elle s'était dit que ça aurait peut-être été le moment de renouer avec le passé. D'autant que ça va pas très fort en ce moment avec Pierre. Sophia se plaint toujours qu'il est jamais là, qu'il fait attention à rien. Apparemment, ils se parlent plus vraiment. Bon, ben voilà, c'est réglé. Elle est partie en escapade avec son copain grec. D'accord, je vais aller lui parler au mari. Il faut qu'on arrive à savoir si Sophia lui a donné un motif pour son départ, et si oui, lequel. Merci beaucoup. Mais tu crois qu'il va te parler à toi? Non, mais je vais trouver quelque chose. Et si Sophia ne revient pas, il faudra mettre un vrai flic sur le coup. Quoi? Vous pensez que... On n'est pas encore là, mais je sens quand même un petit truc au fond de moi qui s'inquiète. par Richard de Gaulle, Orly et Beauvais sont annulés. Oui, oui, écoute, je sais, je suis en retard, j'ai quelques petits soucis et j'arrive. Ah. Mais non, je suis en route. Je suis en route, je te dis, j'arrive. À tout de suite, à tout de suite. Bonjour, monsieur Rulivou. Monsieur Van Dossler, écoutez, je suis désolé, mais je suis très très en retard, il faut que j'y aille. Je suis venu vous parler de votre femme. Oui, mais là, vraiment, il faut que j'y aille. Votre femme disparue qui suscite beaucoup d'inquiétude. Ma femme a le droit de s'absenter, ça ne vous regarde pas. Moi non, mais la police va venir vous voir. Je vous demande pardon. Il y a 2 semaines, des ouvriers de la ville sont venus chez vous pour creuser une tranchée. Oui, ils vérifiaient d'anciennes lignes électriques, je crois. Sauf que ce n'étaient pas des employés municipaux. Il n'y a jamais eu de ligne électrique dans votre jardin. Ces 3 types ont menti. Pardon, mais enfin, ça n'a pas de sens. Eh bien, figurez-vous que les flics pensent que si. J'ai encore quelques sources là-bas et un appel anonyme les a prévenus que des inconnus sont venus creuser chez vous. Et vous savez pourquoi ? Non. Parce que votre femme le leur a demandé. Ma femme ? Votre femme qui, depuis, est partie sans prévenir. Vous comprenez ? Ce ne sera pas long. On serait peut-être mieux dans votre salon. Écoutez, je vous en prie. Le petit café, il est encore chaud. Volontiers. Je prenais un sucre. 2, s'il vous plaît. Donc voilà. La police sait que votre femme s'inquiétait qu'un arbre soit tombé du ciel dans votre jardin, qu'elle a fait creuser dessous et que depuis, elle a disparu sans prévenir. Le flic qu'ils ont mis sur l'affaire est un véritable pitbull, mais si vous aviez une explication et que je pouvais confirmer votre version des faits, ça le calmerait sûrement. Sophia vous a peut-être prévenu de quelque chose ? Qu'est-ce que vous voulez, de l'argent ? Non, non, non. Pourquoi est-ce que vous m'aideriez ? Les flics m'ont fait des ennuis dans le temps. Quand ça les prend, ça peut aller loin. Si je peux aider à ce que ces absurdités n'arrivent pas à d'autres, et puis ça m'occupe. Vous savez, la retraite... D'accord, alors qu'est-ce que vous voulez savoir ? Ce qu'ils voudront savoir. C'est-à-dire ? Où est Sophia ? Elle est partie. Je ne sais pas où. Elle est partie, elle va revenir, pas de quoi fouetter un chat. Mais ils voudront savoir pourquoi vous ne fouettez pas un chat alors que votre femme est partie sans prévenir. Mais parce qu'elle m'a dit qu'elle partait. Elle m'a prévenu. Elle m'a parlé d'un rendez-vous à Lyon. Écoutez, je ne vais pas envoyer un fax à toute la rue à chaque fois qu'on mène des dehors, c'est un monde, ça. Et pourquoi elle est partie à Lyon ? Mais c'est une affaire totalement sans intérêt. Vos collègues feraient mieux de dépenser l'argent public de façon plus pertinente et justifiée. Je vous conseille d'être précis, monsieur Rulivo. Au mieux, il y va de votre tranquillité, au pire, de votre liberté. Écoutez. Mardi dernier... Sophia a reçu une carte postale avec une étoile gribouillée et un rendez-vous dans un hôtel à Lyon. Il n'y avait pas de signature, mais ma femme s'est fourrée dans le crâne que la carte venait d'un ancien ami à elle, Stelios Koutsoukis, et elle s'est précipitée. Elle a pris un train et voilà. J'ai eu affaire à ce type plusieurs fois avant mon mariage, c'est rien, c'est juste un rhinocéros impulsif, admirateur de Sophia. Et son ancien amant ? Écoutez, j'ai tout fait pour dissuader Sophia de partir. Si la carte ne venait pas de Stelios, elle pouvait tomber sur n'importe qui, c'était complètement inconscient. Mais elle a pris son sac et elle est partie. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Je pensais qu'elle rentrerait hier. Je ne sais rien d'autre. Voilà. Et l'arbre ? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur l'arbre ? Sophia m'en a fait tout un plat. Je pensais pas qu'elle irait jusqu'à creuser dessous. Elle est toujours en train de s'imaginer des histoires. Elle est fragile. C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux ? C'est sûrement un cadeau. Mais Juliette Gosselin dit que c'est vous qui avez planté l'arbre. Oui, c'est ce que je lui ai raconté. Un matin, à la grille, elle m'a demandé d'où il venait. Et vu l'inquiétude de Sophia, je voulais pas lui expliquer qu'on n'en savait rien et que ça fasse le tour du quartier. J'ai dit que j'avais eu envie de planter un hêtre pour clore le chapitre. C'est ce que j'aurais dû dire à Sophia dès le début, d'ailleurs, quand je vois tout le pataquès que ça a fait. Vous pouvez me montrer cette carte postale qu'on essaye de joindre votre femme ? Elle l'a emportée. Il y avait toutes les consignes écrites dessus. Ah, c'est ennuyeux. Mais bon, ce n'est pas très grave, ça tient debout. Évidemment, ça tient debout. Pourquoi on me reprocherait quelque chose ? Vous savez ce que pensent les flics du mari quand sa femme disparaît ? Oh, écoutez, c'est stupide. Non ? Bien sûr, c'est complètement stupide. Elle va revenir. J'en suis certain. Je peux utiliser votre téléphone ? Je vous en prie. Le Guénec à l'appareil. Mandosler à l'appareil. Tu joues toujours à la baleinière ? J'avais de la vie, je t'attends. Et toi ? Plus que jamais. Écoute, j'aurais besoin que tu m'aides sur une recherche. C'est pour une amie à moi qui a un problème un peu délicat. Là, t'as toujours eu beaucoup d'amis, avec beaucoup de problèmes. Exact. Mais je me suis dit que ça t'amuserait de m'aider en souvenir du bon vieux temps. Bon, c'est quoi ta recherche ? Un grec. Stelios Koutsoukis. Koutsoukis, oui. J'ai besoin d'en savoir un peu plus sur lui et où il se balade en ce moment. Je te rappelle où ? Moi, je te rappellerai. Ça fait plaisir d'avoir tes nouvelles. Merci, monsieur Reniveau. Rassemblement général ! Je suis au premier. Attention! Marc, qu'est-ce que tu fabriques à quatre pattes? Je répare la chasse d'eau. Vous en foutez peut-être, mais moi je vais pas passer ma vie à aller au chef dans le jardin. Ça y est, c'est parti. Le grand n'importe quoi sur tous les fronts en même temps. Qu'est-ce qui nous vaut cette réunion au sommet, tonton? Tu fais cours demain, Saint-Luc? Non, demain c'est samedi. C'est congé pour les saints, les soldats en permission et une bonne partie du reste du monde. Parfait. Avec Saint-Marc, vous avez filé Pierre Reniveau. C'est un homme prudent et occupé. Si maîtresse il y a, il lui a sans doute attribué la case samedi-dimanche. Je vais vous expliquer comment faire. Pas de signe distinctif, la bonne distance. Bien sûr. Ça y est. Oh, ça marche. Oh merde. Lucien, bouge-toi, rapporte-moi une serpillière. J'y vais. Ah là là. Et moi ? Toi, Saint-Mathieu, tu restes autono avec Juliette, oreille bien ouverte, on sait jamais. Moi, ouais, surtout pas, Mathias. Hein. Moi, j'aime bien aller aux toilettes dehors. Mes petits évangélistes, c'est le moment de changer de siècle et de traquer l'actuel. Merci. Faudra penser à tondre la pelouse, hein. C'est officiel, l'actuel me dégoûte. De plombe qu'on est là à attendre que Reniveau sorte. Et mon livre va pas s'écrire tout seul. Ouais, tu m'étonnes. Non mais pas de signes distinctifs. Une pauvre ceinture et une cravate n'ont jamais été des signes distinctifs. Attention, il sort. Bon, tu te rappelles ce qu'a dit mon oncle ? Une distance ni trop longue ni trop courte, on détache le regard et on le surveille du coin de l'œil. Je me rappelle, seulement du coin de l'œil. On ne fixe pas la cible comme de taré, trop facile. Je prends le trottoir d'en face. Fais bien gaffe à la distance, hein. T'inquiète, faire gaffe, c'est ma deuxième passion. Donc voilà, en gros, il ne fait rien. À 11h, il sort acheter les journaux et après, il s'enferme avec. À lui tout seul, Reniveau doit faire vivre la moitié des journaux de Paris. Je parie qu'il est du genre à dire la presse et pas les journaux. Ah, ça, c'est certain. Faudra qu'on vérifie un jour. C'est tout ? À un moment, il a passé un peu de temps sur son ordi. Il avait peut-être amené du boulot, mais j'ai surtout l'impression qu'il zonnait sur le net. Il attendait peut-être la visite des flics. Et voilà, deux plats du jour et un steak à cheval. Bon appétit ! Merci. Tu veux quelque chose, Mathias ? Tu prends ta pause maintenant ? Non, c'était juste 5 minutes. Il me racontait la filature de Reniveau. Garçon ! J'arrive ! Alors ? La filature de Reniveau ? Bah alors, il est bien zen pour un mec dont la femme s'est barrée en week-end avec son ex. Pierre pense que Sophia est partie rejoindre Stelios ? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il vous a dit ? Oui. Comme ça ? Bah, il me l'a dit, quoi. Pierre déteste Stelios. Il peut pas en parler sans péter des plombs. À l'époque, la police s'était même demandé si ce n'était pas lui qui l'avait balancé à la mer. Alors, c'est bizarre qu'il soit aussi zen. me demande s'il ne faudrait pas recreuser sous l'arbre. Ah non, on va pas recommencer. Il n'y a rien sous l'arbre, on l'a bien vu. Que des pipenthères du 18e, et cassés en plus. Il n'y avait rien, mais aujourd'hui. Ça fait 4 jours que Sophia a disparu. Si elle était juste partie en week-end, même avec son amant, elle aurait appelé quelqu'un. C'est sûr. En plus, je lui ai laissé au moins 10 messages. Mais comment tu veux qu'on fasse? On peut pas refaire le coup des ouvriers? Ah non. En plus, je vous ai balancé. Non. On va donner à Reliveau ce qu'il attend. C'est-à-dire? Une visite des flics. Saint-Mathieu? Ouais. Saint-Mathieu, ce soir, tu vas appeler qui je vais te dire. D'accord. Je dis quoi? Tu vas parler des ouvriers de la ville qui sont venus il y a 15 jours. Mais en réalité, aucun n'était employé par la ville. C'est Madame Simeonidis elle-même qui leur avait demandé de creuser sous l'arbre. Et maintenant, comme par hasard, elle a disparu sans prévenir personne. Vous comprenez, Monsieur Le Guénec, les gens commencent à s'inquiéter ici. D'accord. Merci. Il a marché. Là aussi, je crois que ça marche cette fois. Tu as officiellement réussi à réparer la chasse d'eau. Alléluia, ça marque. Oh non, m'appelle pas comme ça. T'es sûr que tu t'étais bien mis en numéro masqué pour le flic? Ben, j'ai laissé comme tu avais réglé, hein. Fais voir. Ben, bon. C'était comme ça. J'ai rien touché particulièrement. Là. Mais enfin... T'as foutu mon téléphone dans la cuvette. Mais attends, je te le récupère, c'est rien, c'est juste un peu d'eau. Non mais j'y crois pas. Mais il faut le mettre dans du riz, il paraît. Tu veux que j'aille en chercher au tonneau? Mais il est foutu là, mon portable, qu'est-ce que tu racontes? Bah, comme ça au moins, t'as plus à t'en faire pour ton numéro masqué. Mais il va finir par crever le hêtre si on continue à lui creuser autour. Tu rêves de ranger un peu ta chambre, Mathias? On dirait qu'on a été cambriolé. Il paraît qu'on travaille mieux dans une chambre en désordre. Qu'est-ce que tu racontes, Lucien? Mathias passe ses journées à recouler avec Juliette. Il a pas mis une fesse derrière son bureau depuis des plombs. Ça y est, les flics attaquent la couche noire. On te fait voir? Les pauvres. À deux, en plus. Ils se foulent pas beaucoup, le Guénec, hein. Il les regarde creuser, tranquillou. Mais il est quand même limite roublard, cet inspecteur. Il dit qu'il ne peut rien faire sans mandat, mais il accepte quand même de venir jeter un œil. Quel genre de flic fait ça? Le genre de flic copain de mon oncle. En général, ils sont plutôt coulants. Ah, Mathias, non, sérieusement, tu pourrais t'habiller un peu. On n'est pas obligé de s'infliger ton look nudiste montalivet. J'ai des sandales. Tu te fous de moi? Non, je me sens bien comme ça. Lorsque le serpent voit un homme nu, il a peur de lui et s'enfuit aussi vite qu'il le peut. Mais quand il voit un homme vêtu, il l'attaque sans la moindre crainte. 13e siècle. Il y a le tonton qui se pointe. C'est pas possible. Faut absolument qu'il soit partout, celui-là. Oh, magnifique. C'est mieux que le Cinoche, cette baraque. Alors, Le Guénec, on ne salue plus son patron? Messieurs. Bonjour. Von Dossler, bien sûr, c'est toi qui es derrière tout ça. Comment ne m'en suis-je pas douté? Coup de fil anonyme, franchement. C'est un rapport avec le truc que tu m'as demandé? Le grec, hein? Doucement, les gars. On y va tout doux. On ferait peut-être mieux d'en parler plus tard. Les gars sont sûrs, tu peux y aller. Toi, en revanche... Je sais. C'est bien pour ça que c'est toi que j'ai appelé. Ne t'inquiète pas, mon nom n'apparaîtra nulle part. Tant que tu n'en auras pas besoin, en tout cas. De toute façon, j'ai pas encore tes infos. Tu crois que cette femme a été tuée? N'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ok. Qu'est-ce que tu sais? Rien de plus que ce qu'on t'a dit ce matin. Un ami à moi. D'ailleurs, ne te fatigue pas à rechercher les types qui ont creusé la première tranchée, des amis aussi. Ça te fera gagner du temps. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de vraies raisons d'emmerder Reliveau, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Attention, hein, pas un mot sur moi, il croit que je l'aide. D'accord. Si on trouve rien, on laisse tomber et on écrase. Ne prends pas le risque de me prévenir, j'habite à côté. Je peux voir tout ce qui se passe. Bon, allez, je file. C'est plus prudent pour toi. Je me demande bien à quel moment t'es devenu prudent, toi. J'apprécie. Bon, allez, les gars. Y a rien, hein. S'il trouve Sophia, je déménage, je vous préviens. Mais t'es complètement con, quoi. Ça marque, garde ton sang-froid. Il rebouche, c'est bon. Ils n'ont rien trouvé. Tant mieux. Bon, je vais le dire à Juliette. Comme si ça pouvait pas attendre ce soir. Je te signale qu'on est lundi, je bosse pas. Oh non, mais tu fais comme tu veux. Je ne pige pas, ça marque. T'en penses pour Sophia ou pour Juliette? Ni l'une ni l'autre. C'est juste que... je sais pas. J'ai pas su m'occuper de ma femme. Moralité, elle s'est barrée avec un connard prétentieux. On dirait qu'il y a un truc qui cloche chez moi. Je suis complètement con. Je croyais que tu ne voulais pas parler de ton ex. Oui, bah là, j'en parle, voilà. Sophia a disparu, je suis inquiet. Et parler, ça me calme. Et puis, je fais ce que je veux. Je sais pas si ça t'intéresse toujours, mais il y a Relivo qui vient de sortir. On lui emboîte le pas? Évidemment. Je te mets au défi de foirer une mission que mon oncle t'a confiée. Au revoir, merci. Saint-Mathieu ? Saint-Mathieu ? C'est bon, tu peux y aller, il n'y a plus personne. Oh, pardon. Oh, excuse-moi, j'étais à la bourre tout à l'heure et puis j'ai pas eu le temps de me changer. Non, mais c'est juste que tu aimes le risque. Ah oui ? Mais qu'est-ce que je pourrais bien risquer ? Je sais pas. Des clients pourraient te voir. Je crois qu'il n'y avait plus personne. Bah, tu vois, c'est vide. Oui. Et dis donc, la factrice m'a dit que le restaurant tenait son nom des grands tonneaux qu'on gardait ici. Oui, on avait vidé les montants de la porte de la cave pour les faire passer. En 1732 ? J'ai vu la date gravée sur le linteau. La cave doit être intéressante pour un historien comme moi. Oui, c'est... Tu pourrais peut-être me montrer ? Écoute, Mathias, je t'aime beaucoup, tu sais. Ok, te fatigue pas, j'ai compris. Excuse-moi. Non, mais non, Mathias, attends. Te fatigue pas, je t'ai dit. Oh, si tu continues à distribuer les cartes comme ça, tu te démerdes avec ton grec. Hein. Oh, t'as toujours été mauvais à ce jeu. C'est toi qui l'as inventé et t'es le plus mauvais joueur de baleinier que je connaisse. T'as bien fait de passer de marin à flic. Hein. Bon. Donc, je disais, ton Stelios ne vit plus en Grèce. Il est en France, figure-toi. Pas du tout du côté de Lyon, hein, il vit à Marseille. Il a ouvert une boîte de conseils ou je sais pas quoi, du développement d'entreprise, quelque chose dans ce goût-là. Il se tient plutôt tranquille, à part 2-3 PV, le mec est sans histoire. T'avais raison, t'avais complètement raison, sur toute la ligne. Comme toujours, mais sur quoi en particulier ? Relivo, il a une maîtresse. Oh oui. Et vous êtes sûr que c'est pas une copine ou une cousine, Lucien ? On est resté un peu derrière la porte, et je confirme que ce n'est pas sa sœur. Ah ben, efficace ta nouvelle équipe, Van Dossler. J'espère que si ça devient utile, le petit-neveu me donnera l'adresse. Elle s'appelle Elisabeth, et elle habite dans un petit immeuble du 15e. Pop, pop, pop, pop. On a dit « si ça devient utile, Saint-Marc ». C'était Debout les morts de Fred Vargas dans une adaptation de Claire Leluerne. Troisième épisode avec Manuel Valade, Marc, Duncan Evenou, Mathias, Emmanuel Suarez, Lucien, Patrick Zimmermann, Van Dossler, Edith Baldi, Juliette, Olivier Clavry, Le Guénec, François Loriquet, Pierre. Et les voix de Joséphine Serre, Laetitia Hipp, Michel Baladi, Nicolas Balu, Justin Blancard, Phil Bouvard, Xavier Xapla, Pierre Carbonnier et Yoli Fuller. Bruitage, Bertrand Amiel. Musique originale, Dominique Massin. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Pierre Henry. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Debout les morts, de Fred Vargas, est publié aux éditions Viviane Amis.